a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! Touchdown! He did it! He did it! Flurry did it! But here's a shot! Henderson made a wild stab toward Spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone début. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the man is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The man at one. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, émission qui parle de sport amateur, professionnel un peu, régional, international, martial, je sais pas. C'est rendu loin. Oh, lunal, appelle ça comme tu veux. À mes côtés, comme à chaque mardi matin à tous les 9h, on a M. Pierre-Luc Giroux. Oui. Ça va bien, M. Delay Giroux? Très en forme aujourd'hui. Très en forme ce matin. Ouais, c'est bon. Bien allumé un matin. T'es allumé. La gang allumée. La gang allumée. T'as l'air d'une émission de Ouattatata. et en face de moi, comme toujours aussi, M. Sébastien Proulx. Bonjour tout le monde. Mais ça va bien. Pleine forme. Pleine forme comme d'habitude. Oui. Il pète le feu. Et comme toujours à 10h, M. J.P. Grenier va venir nous rejoindre en studio. Pas en studio, par contre, excusez, au téléphone, pour nous parler football. D'ailleurs, c'était une grosse fin de semaine de football. Deux matchs importants qui étaient à surveiller. Bon, le Rouge et Or qui disputait la Coupe Mitchell, le Mitchell Bowl contre Queens. Surprise. En effet, j'ai été très surpris, mais la ligne défensive de Queens, wow! Je m'attendais pas à ça. Je pense pas que Laval s'attendait à ça non plus. On savait qu'elle était bonne, mais pas autant que ça. Ben, il y avait une grosse fiche cette saison, 10 victoires, une défaite. Oh ouais, c'est une excellente équipe, mais je pensais pas que la ligne défensive a vraiment percé la ligne offensive de Laval. Là. Ils n'ont pas vraiment eu de difficultés. Écoute, Grou a eu du jaune sur lui toute la partie. Là. Je pense 6 sacs. 7. Donc, il en a eu pour plein son casque. Pas à peu près. Puis c'était aussi la Coupe Grey, pas la Coupe Grey, mais la finale de l'Est de la Coupe Grey. Un beau stade olympique plein à craquer. T'étais là? Ouais, j'étais là. C'était vraiment. J'ai des bons billets quand même dans la zone des buts. C'est à peu près les billets les plus proches que tu peux avoir du terrain dans la zone des buts parce que au milieu du terrain, t'es tellement loin au stade olympique. Donc, ça, on va en parler un petit peu plus à la fin d'émission, là, vers 9h40. Là. Ça va être notre sujet de discussion. L'avenir du sport à Montréal avec l'impact qu'un nouveau stade, avec les Alouettes qui vont avoir un stade rénové. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On va regarder qu'est-ce qu'on fait du stade olympique. Donc, ça va être. On va discuter de ça plutôt à 10h40 environ. Là. Donc, ça va être ça. Allons-y avec qu'est-ce qui a fait mettre le feu à Montréal hier, l'échange Guillaume Latendresse contre Benoît Pouliot. On n'analysera pas l'échange plus qu'il faut. Je pense qu'il y a d'autres médias qui se sont chargés de tout ça. Mais c'est drôle à voir pareil. Hein? À quel point certains médias, j'avais l'impression que certains allaient pleurer. Là. Quasiment, là, c'est l'enfant chéri qui venait comme de partir. Si c'était là. Une vedette. Comme si, ouais. C'était, ouais, comme si c'était grave. Là, c'était juste parce qu'il vient du Q. Il vient de la Ligue junior majeure du Québec. C'est un Québécois. On en avait juste 4. On est rendu à 3. C'est sûr que le monde s'en est pas rendu compte à cause que Benoît Pouliot est ontarien. Franco-ontarien. Ouais. Sauf qu'un coup, ils vont voir que les déboires vont peut-être commencer avec Pouliot dans de la même manière que ça l'était avec Latendresse. Parce que hier, j'écoutais Michel Villeneuve et Ron Fournier sur une autre station. Et je dois dire que c'était drôle. Il y avait Guillaume Latendresse en entrevue. C'était drôle de les voir manipuler Latendresse. Mais il paraît qu'il était arrogant aussi un peu. Ah, il était arrogant, il était dégueulasse. Là. Il était dégueulasse personnellement, mais il était. Mais eux, ils leur faisaient dire. Ils s'arrangeaient pour qu'ils disent exactement. Ils faisaient leur job de journaliste. Mais ouais. Eux autres étaient tout défaits, puis les gens accepteront pas ça, puis blablabla. Puis tu questionnes les gens, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ce matin qui sont très heureux. Donc, Mais qu'est-ce qu'il a fait sinon? À part une saison de 18 buts, je pense. Ouais, à peu près. Avec une belle utilisation. Ben, tu sais, Benoît Pouliot, c'est peut-être pas non plus la vedette. Non, en effet. Il faut lui laisser sa chance pareil. Non, c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi, puis à Luc là-dessus, mais ce qui arrive, c'est que. Moi, c'est 4,30 pour une pièce. Oui. Une équipe s'échange un problème, l'autre équipe s'échange l'autre problème. Donc, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, les deux on jouent va voir pas. Ça va être quoi, le prochain problème. Ouais, c'est ça. Les deux jouent pas avant un bout. Pouliot est blessé, puis la tendresse n'a pas de visa pour travailler aux États-Unis. Donc, ça va prendre 4-5 jours avant qu'il puisse jouer. Donc, ça veut peut-être dire que Sergi a son poste maintenant sauf. Probablement. C'était souhaité de se faire échanger lui aussi. Mmh. C'est ça, Guéné, il avait ouais, promis. Bon, moi, tant que moi, ils n'ont jamais voulu l'échanger. Hein. Ben, quand il avait fait la rumeur, ben, comme il avait dit qu'il voulait s'en aller dans la Ligue continentale, Guéné avait assuré que soit il était utilisé à Montréal ou qu'il était échangé. Probablement que l'échange était déjà en cours. Il fait 3 semaines que ça se parlait. Sûrement, ouais. Wild était tout le temps là. Les dépisteurs étaient toujours présents au Centre Bell. Mais si on regarde, exemple, l'alignement du Canadien de samedi soir contre les Red Wings qui jouaient. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs joueurs dans l'alignement qui étaient beaucoup moins bons que sur Guy Costitine. Certainement. C'est un problème avec Jacques Martin qui voulait pas vraiment le voir tout de suite dans le milieu. C'est ça. Fait que là, il est de retour. On va bien voir qu'est-ce qu'il est capable de donner. Oui, exactement. Donc, allons-y. On va commencer tout de suite avec les Patriots hockey qui affrontaient. Jouait 3 matchs depuis mardi passé. Avait une partie mercredi contre Concordia. Avait une partie vendredi contre York. Et avait une partie contre UOIT qui était samedi, ici même à Trois-Rivières. Donc 2 matchs à Trois-Rivières. Mercredi, c'était à Concordia. Bon, allons-y avec les résultats. Quelle déception. Ils ont perdu contre Concordia qui avait une victoire avant nous. Les Pats ont perdu contre Concordia. Je n'en reviens pas. Tout simplement, en tout cas. Je veux pas dire inadmissible, mais je le pense. C'est Blanchard qui avait peut-être été faible un peu pour celle-là, je crois. Ben non! 18-5 contre 43. Ouais, il y a de quoi, écoute, il y a de quoi qu'il n'y a pas... Non, 43 contre 26, les tirs. Ah, j'avais 18 hier sur le site de la SCS. SCC, moi je suis dessus là, je vois 43-26, mais... On ouais, c'est ça, en tout cas. Mais vraiment, c'est au niveau de... Au niveau de la finition autour du filet, tout ça, ça n'a pas été fait. Jacques Laporte n'était pas l'homme le plus content probablement dans l'autobus. Ça, je peux le garantir. Mmh. Erreur de parcours. Erreur de parcours. Donc, oui, bon terme. Bon terme là-dessus. Puis là, je pense que ça va donner, en tout cas, ça va donner peut-être une leçon à certains boys là, qui, sans dire qu'ils prenaient ça relax. Tout début en égalité numérique en plus, même pas en désavantage. Ouais, exactement. Je veux juste pas me tromper. Louis-Étienne Leblanc a joué moins 3. Non, Concordia, ok, ouais, tu voulais dire. Concordia, un but en 4 essais, dans le fond. 4 essais. Concordia, pas Concordia, voyons, Trois-Rivières, rien du tout, donc ça n'a pas été bon. Allons-y avec le sommaire dans cette partie qui s'est terminée 5-3. C'est Concordia qui ouvre la marque, McGillis, assisté d'éléments et Gager. À 6 minutes 15 de la première période. L'UQTR va compter 2 buts par la suite en première période. Breton, son 5e de la saison avec Bellavance Martin et Charlin à 10 minutes 20. Et Chicoine, le défenseur, qui vient faire son 3e de la partie, des aides à Donovan et Lévesque. 2e période, McGillis enfile son 2e de la partie, une aide à Gager et Goodzell. À 48 secondes de la période, c'est sur un avantage numérique. Jean-Sébastien Breton était au filet à ce moment-là, filet plutôt en pénalité à ce moment-là. Francis Charlin vient faire son 10e but de la saison par la suite à 3 minutes 35 des aides à Chabot Maltais et Bellevance Martin. Concordia, par contre, c'est là que la machine s'est ouverte en 2e. Gager, son 3e de la saison. Bouchard, Émile Bouchard, je crois. Si je... Son fils. Hein. Ouais, le jeune Bouchard. Des aides à Garland et David. Et en 3e période, alors que c'était 4-3 plutôt, Marc-André Léman est venu clouer le cercueil des Patriotes avec un but. Son 4e de la saison, une aide à Gager à 19 minutes 4. Donc, c'est ce qui en a été pour les Patriotes là-dessus. Ça s'est terminé comme ça. Aucun point pour Éric Bégin dans la partie. Est-ce qu'il est encore affecté de l'histoire ici? J'en doute fort. Donc, c'est ça. Comme on disait, c'est pas un très bon résultat pour les Patriotes en tant que tel. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir comment il allait rebondir. Les étoiles dans la partie. Maxime Joyal, en effet, le gardien de but de Concordia qui Et nommé première étoile, il a fait un total de, comme on l'a dit, 40 arrêts. Brad Gager, deuxième étoile, et Marc-André Lehmann, troisième étoile. Donc, c'est ce qui conclut pour cette partie. Mais vendredi soir, contre les Lions de York. Donc, les Lions qui s'amenaient ici à Trois-Rivières. La partie, écoutez, on peut se douter qu'ils voulaient rebondir pas mal, ce qui est normal, après une si mauvaise performance. Et en effet, ça s'est terminé 6-1. Par contre, au niveau des tirs, je dois dire qu'on s'est fait dominer comme faut. Surtout en deuxième période, les tirs sont terminés 40-26. York, qui est dans les derniers de sa division, c'est pas très intéressant comme résultat en tant que tel. Je pense qu'on s'attend, un peu plus des Patriotes. Ça a été une partie assez robuste, je pense. Hein? Oui, pas mal de minutes de pénalité. Écoute, 7 avantages numériques pour York, 11 avantages numériques pour UQTR, qui en a profité 3 fois. Il y a eu des inconduites aussi. Inconduites, des 10 minutes. Donc, 50 minutes de pénalité, vois-tu, pour York. Jonka, plusieurs 10 minutes, inconduites de partie, rudesse, plusieurs. Donc, ça n'a pas exactement, probablement, la partie la plus calme au monde. Allons-y avec le sommaire. C'est Bellefleur qui ouvre la marque, son sixième de la saison des aides à Boivin et de Merce. Francis Charland vient faire son 11e de la saison. Charland qui, comme on disait la semaine dernière, a le compas dans l'œil, pas à peu près. Ça va bien pour lui. Des aides à Donovan là-dessus. Breton, deuxième période Breton, vient faire son sixième de la saison. Charland qui va venir chercher une aide. Et Désillet aussi à 17 minutes 3 de la deuxième période. Donc c'est 3-0 à ce moment-là. Alexandre Blais vient faire son cinquième de la saison. Des aides à Désillet à Donovan à 9 minutes 11 de la troisième période. Blais qui avait ralenti un petit peu par rapport à son début de saison. Lui qui joue avec Demers d'habitude. Là. Donc c'est revenu. Demers qui lui avait été blessé commotion pendant quelques jours. York vient faire leur seul but de la partie à 11 minutes 2. C'est Mix qui enfile l'aiguille. Des aides à Jones et Gills. Par contre, Charland revient encore avec son 12e de la saison, une aide à Breton. Et Leblanc, son premier de la saison, des aides à Bronsard et Chicoine. Les deux derniers buts des Patriotes ont été marqués en avantage numérique. La victoire va à Jean-Christophe Blanchard qui a fait 39 arrêts sur 46. Donc, c'est le prix de sa performance contre Concordia. Bonne petite foule à l'Arena Claude Monguin, 233 personnes. Donc, quand même bien. Pour un vendredi soir, probablement que le Caron est gay, t'es pas en ville. Je sais pas si tu peux me renseigner. Vendredi soir, je pense qu'il est à l'étranger. Bon, ben c'est ça. Fait que, bonne petite foule, on va apprendre. Et samedi, allons-y avec ça. L'UQTR, si on continue sur le lancer de On plante l'autre équipe, 7-1, la victoire contre UOIT. On sentait que York et UOIT ne sont pas des puissances, mais pas du tout. Donc, ça a paru. Par contre, cette fois-ci, l'UQTR, 50 tirs, la moitié moins pour UOIT avec 25. C'était le premier match pour Mathieu Lévesque, qui était supposé être le troisième gardien de l'équipe. Ouais, Camo était pas là, il est blessé. Ouais, Camo, je sais pas. Si tu me dis qu'il est blessé, il est blessé. Je te fais confiance là-dessus. Donc, Mathieu Lévesque, 25 tirs, 24 arrêts, bonne performance. Donc, les buts. Breton, son septième de la partie à 32 secondes. Son septième de la saison, plutôt, à 32 secondes. Demers Charland les aide. Bagshaw vient faire le seul but de UIT par la suite à 4 minutes 13 en avantage numérique. Et par la suite, en deuxième période, Demers vient faire 2-1. Donc, des aides à Breton et Charland là-dessus aussi. Donc, après la deuxième période, c'est juste 2-1. Donc, c'est encore chaud comme partie. Troisième période, les Vannes s'ouvrent dans le barrage UIT-ien. UIT-wa. UIT, en tout cas. C'est Bellefleur qui fait son septième. Bellefleur qui fait son huitième. Donovan, son troisième. Bergeron qui fait son premier. Bergeron, c'était sa première partie cette année. Un but à sa première partie. Donc, bon, petit, ça a d'allure. Et Breton vient faire son huitième de la saison à des aides à Demers et Charland. Donc, au niveau des points, vois-tu, Breton, deux buts, une passe. Demers, un but, deux passes. Francis Charland, trois passes. Lui qui est plus habitué au but. Donc, là-dessus. Steve Bellefleur aussi, deux buts, une passe. Donc, des bons résultats pour eux. Breton a fait au moins un but dans chacun de ses matchs. Fait que... À date ou... Dans les deux, les trois à la fin de semaine. Ah, OK. Les étoiles, Francis Charland, première étoile, Jean-Sébastien Breton, deuxième étoile, et Mathieu Lévesque, troisième étoile pour le gardien recrue des Patriotes. Donc, allons-y au classement. Bon, ben, au classement, c'est de la UIA. Bon, ben, dans l'Ouest, en première position, c'est toujours Western, 11 victoires, 2 défaites. Western qui l'avait emporté la semaine dernière contre les Patriotes. Donc, ça l'explique probablement. C'est une bonne indication de leur fiche en tant que telle. Deuxième place, c'est Lakehead, 14 matchs, 9 victoires, 3 défaites, 2 nuls, 20 points. Laurier vient au troisième rang avec 19 points en 13 matchs. Dans l'Est, bon, ben, Lucuteur est toujours premier, 13 matchs, 11 victoires, 2 défaites, une fiche similaire à Western. Par contre, Western, on le sait, va être en avant de Lucuteur au classement parce que justement, ils ont battu. McGill est deuxième, 9 victoires, 9 matchs, 8 victoires, 1 défaite. Donc, McGill, ça ne dérouge pas non plus. Ça va être très intéressant de voir. Qu'est-ce qui va se passer avec eux pour le reste de la saison. Donc, L'affrontement McGill contre UQTR en série, c'est à la fin, ça serait pas pire. Ben, ça fait tout le temps ça. Ouais, ça donne tout le temps ça, mais encore cette année, je pense que ça serait bon. Oui, probablement que ça devrait ressembler à ça. La rivalité est toujours là. Ouais. Ben, faites quoi, 2-3 années là, que les Patriots font sortir par... Ça serait temps que ça soit à notre tour. Hein? Oui, probablement, parce que puis là, il n'y a plus de coach, c'était... Martin Raymond, qui était à McGill, puis qui faisait des belles choses. Donc, il n'est plus là. Par contre, ça semble continuer du côté des McGill. En troisième position, c'est Carlton, 13 matchs, 6 victoires, 5 défaites, donc ça descend. Et Concordia, 2 victoires, 11 défaites. Et, comme je l'ai dit, une de ces victoires-là était contre les Patriotes. Décevant. Donc, aux statistiques, c'est Brock McPherson qui est le meilleur marqueur de la Ligue avec 26 points en 14 matchs. Mais Francis Charlin est maintenant remonté. Hein? Au deuxième rang, exactement. Donc, 24 points en 13 matchs, ça va bien pour lui. JS Breton aussi, 8 buts, 11 passes, 19 points en 13 matchs. Il est rendu au 9e rang de la Ligue. Donc, des gars qui... Eux, on peut rien leur reprocher cette année. On peut absolument rien reprocher à ce trio-là. Ils ont fait exactement ce que ça prenait de leur côté pour qu'on s'attendait à eux, dans le fond, lors de, parce que l'an passé, quand le gros trio est parti, Gravel et Boutin, donc on avait besoin de plus de performances de eux. Ça, on peut dire, c'est fait. Font le travail. Pas de problème. D'ailleurs, Francis Charlin est nommé joueur de la semaine chez les Patriotes. Le vétéran de 2 saisons a connu toute une semaine, comme on en a parlé. 3 buts, 5 passes en 3 rencontres, donc une excellente moyenne. Donc, Francis débute sa 2e année en administration. Le top 10, bon, qui est de mercredi dernier, qui justement compte pas la défaite contre Concordia. Donc, on peut s'attendre à ce que l'UQTR descende encore un petit peu. C'est UNB, l'Université du Nouveau-Brunswick, qui est premier, Alberta 2e, St. Mary's 3e, Western Ontario 4e, UQTR 5e, Manitoba 6e, McGill 7e, McGill qui devrait monter, et Lakehead en 8e position. Donc, c'est ça. Chez les Patriotes, des changements de personnel qui s'en viennent très rapidement pour le temps des fêtes. On avait parlé un petit peu la semaine passée. On a fait une petite erreur, par contre. On avait annoncé la venue de Kevin Petit. C'est Félix Petit, par contre, qui va être là. Ouf. Félix qui, de son côté... 90 points avec très des bon joueur. Ouais, toi, tu connais, il a joué avec les Remparts. Hein? Mm. C'est un bon joueur. Pas un gros gabarit, par contre, 5 pieds 8, 169 livres. Par contre, c'est un petit peu moins grave, ça, dans la ligue universitaire, en tant que tel. Ils ont le droit de jouer à East Coast pour... Oui, si t'as moins de 21 ans, tu peux jouer une année. Parce que, voyez-vous, Félix Petit a joué 3 parties cette année avec les Cyclones de Cincinnati, club école du Canadien dans la East Coast Hockey League. Ici, HL, il faut dire, ils ne veulent plus être appelés East Coast. Ah ouais. Ben, tu sais, t'as une équipe en Alaska. C'est vrai. À Anchorage, en Alaska. Donc, c'est ça. Elle fait 3 parties, 3 buts, 3 points. Je sais pas s'il a été coupé ou il a décidé justement juste d'arrêter non, ça. Non, mais c'était l'année passée, ça. Ben oui, bon point. Il a joué 13 matchs en série ben aussi. Ben oui, ben bon point. OK, ben, il a joué 3 matchs avec les... OK, il a suite après son année de 20 ans, il s'est en allé là directement. Ben, bon, c'est correct, j'ai mon information, je viens de voir. Hey Nicolas, pour Jacques Laporte, finalement, est-ce que tu as eu des nouvelles s'il avait choisi la série Montréal-Québec? Non, j'ai eu aucune nouvelle là-dessus, donc je pourrais pas te répondre là-dessus. Pour l'instant, il est toujours là. Par contre, en parlant de joueur qui n'est plus là, Nicolas Caouette aurait quitté l'équipe. Le petit centre défensif qui est un ami de l'émission, qui était là, qui est venu dans l'émission quelques fois. Donc, écoute, c'est dommage pour lui, mais il n'était pas satisfait de son temps de glace. Ça, j'étais au courant qu'il n'était pas satisfait de son temps de glace. Faut croire qu'il a décidé qu'à un moment donné, ça fait. Que là, t'es au stage aussi, donc termine son école là. Il y a 26 ans. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comprenable un peu comme décision. Quand t'en veux plus puis tu l'obtiens pas, ben, ça s'arrête là, des fois. Aussi, bon, ben, dans les nouveaux, c'est Robert Martin du Nouvelliste qui annonçait ça. Les nouveaux joueurs qui vont venir s'ajouter avec les Patriotes à la fin de l'année. Pas à la fin de l'année, mais oui, à la fin de l'année la session, 2009. Pour l'année 2010, pour la deuxième partie de la saison. Donc, on va avoir un retour à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour Gabriel Balasescu, qui avait joué ici en 2004-2005, qui avait été cherché 20 points en 24 parties. Donc, ça va être intéressant. Lui, il faisait 4 ans qu'il jouait dans la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, retour aux études pour lui, j'en déduis. Un ailier droit, 6 pieds 1, 190 livres. Jean-Philippe Roy-Vallière, un autre ailier droit. Donc, ça fait pas mal d'ailier droit, si tu veux mon avis, là. Il va avoir une grosse compétition. Oui, pas mal. Même Félix Petit, vois-tu, c'est un centre, lui, probablement que quand Kawhi a vu que Petit s'en venait, bon, ben, il a quitté. Il a dit, comme gars, j'ai pas de temps à perdre. C'est mon impression. Donc. Roy-Vallière était quand même. Roy-Vallière, pas. Il est pas gros, 150 livres. Ouais, 5 pieds 10, 150 livres. Ce sera probablement pas un joueur. Vois-tu, il a joué un petit peu Ligue nord-américaine, plus du Junior 3A. Sa dernière année au Junior 3, il a fait 118 points en 52 parties. Ça a l'air d'être un attaquant offensif à première vue. Donc, pas beaucoup de matchs dans la Ligue Junior Majeure du Québec, par contre. Donc, ça, c'est pas la plus grosse acquisition. En défensive, on avait parlé la semaine dernière, Maxime Fréchette, donc 6 pieds 5, 214. C'est trois nouveaux défenseurs qui vont venir s'ajouter au rang des Patriotes. Donc, Fréchette. Il va avoir Pierre-Luc Lessard, 6 pieds 186 livres, un choix de quatrième ronde des sénateurs d'Ottawa en 2006. Sa carrière n'a pas, faut croire qu'elle n'a pas explosé. Vois-tu, dans le junior majeur, sa dernière saison, 52 points en 67 matchs avec le Drakkar de Bécomo, lui qui est défenseur, comme on a dit. Il a joué un peu avec les Condors de Bakersfield cette année, 2 points en 9 matchs. Faut croire que lui aussi a arrêté ça pour la East Coast. Et s'en vient aux études. Et Alex Lamontagne, qui lui est déjà dans l'entourage de l'équipe, on l'a déjà vu. Lui qui est un gros bonhomme, 6 pieds 4, 222 livres, pas peur de jeter les gants. Même ancien si... choix de deuxième ronde. Deuxième choix total à Ligue junior majeure du Québec. Benjamin Brault. Ah, ça, je savais pas. Benjamin Brault non plus, qui n'a pas été un grand succès. Choix de 8e ronde par les Sables plus tard. Mais... Ouais, c'est ça. Donc, c'était les deux dans ce temps-là qui étaient les meilleurs espoirs. Oui, exactement. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec ça. Hey, on va aller en musique. On va aller écouter un petit peu d'extérieur. On va aller écouter la chanson L'idiot du village, que, en tout cas, on ne nommera pas, mais on le connaît tout. Non, mais. Donc, on va aller écouter ça. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! Il pleut depuis une heure, des clous qui arrachent la face. Mais je danse sur mon balcon. Une tempête de malheur qui va laisser sa trace. Mais je danse parce que ça prouve que je prends un menteur. Je cache les belles valeurs de village fait de glace. Mais je danse sur mon balcon. Pas juste des histoires de fun, mais je comptais en surface. J'avais vu le ciel arriver. 40 ans de silence. Pour un instant de vérité. bien me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Et c'était Extérieur avec la chanson « L'idiot du village ». Donc allons-y tout de suite avec le hockey junior. Pierre-Luc Shawinigan était hôte de la Super Série Subway. Oui, donc c'était le deuxième match. Oui, le deuxième match. Dans le fond, lundi passé, c'était à Drummondville que le premier match avait lieu. Victoire de la LHGMQ par 3-1. Cette fois, ça a été plus difficile pour les joueurs russes. Ouais. Je te dirais que ça a été une vraie dégelée. Les joueurs de la LHJMQ qui ont fait 8 buts dans cette partie. C'était pas le même gardien qui l'ont fait. Non, c'était pas le même gardien non plus. C'était pas la même intensité non plus. C'était pas mal. Tout de suite, là, ça se trouvait pas mal plus du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec que la première partie. Ouais, ça c'est clair. Donc, les buteurs du côté de la LHJMQ, Luc Adam, 2 buts. Kesley Tessier, 1 but. Gabriel Bourque, Marc-Olivier Vachon, Philippe Cornette, Jacob Lagacé et Nicolas Deschamps sont les buteurs. Du côté de la Russie, Kirill Petrov, je sais pas si c'est le fils de Oleg. Non, Oleg, il joue encore. Ouais. Ouais. Ben, ça peut être son fils pareil. Il l'a eu bien jeune. Donc, ouais, 36 ans. Un accident. Les Russes. Il était pas voulu. Ensuite, Maxime Kitsin et Nikita Pivtsakin sont les autres buteurs du côté de la Russie. Donc, domination totale du côté des tirs pour la LHJMQ, 43-26. Et on remarque aussi là, les buts en avantage numérique. Là, la POC a roulé en tabarnouche sur l'avantage numérique. 4 buts en 8 occasions pour l'équipe de la Ligue junior majeure du Québec. C'est bon. C'est excellent. Bon. Ouais. Donc, je pense qu'on avait peut-être pratiqué ça un peu... à l'aide du cas, André Tourigny avait peut-être regardé ça un peu avec ses gars. Du côté des gardiens, c'était Maxime Clermont qui avait commencé la partie, qui a accordé 2 buts, et c'est Louis Domingue qui a pris la relève en milieu de partie, alors qu'il a accordé un seul but. Je pense que ça a bien été du côté de la LHJMQ, mais je pense que du côté de la Ligue, on serait peut-être prêt à regarder pour un nouveau plan pour les matchs comme ça, parce que c'est à tous les ans, c'est pareil, les Russies se font déclasser à tous les matchs. Je te dirais que ce sont rares les matchs que la Russie ont remporté, peu importe contre quelle ligue. Donc, faudrait peut-être... Les seules victoires ont été contre la Q. Contre la Ligue du la Q. Ouais, la Ligue du majeur du Québec. C'est les seules fois qu'ils ont eu des victoires. Mais c'est très rare. Donc, cette année, ils n'ont pas gagné aucun match. C'est toujours des dégelés. Puis je pense que du côté de la Ligue, là, on va regarder peut-être vers une nouvelle formule. Justement, on parlait des joueurs de la Suède dans les dernières semaines qui sont venus jouer ici contre le hockey universitaire. Ça pourrait être une équipe qui pourrait affronter dans les prochaines années les joueurs de la LHJMQ. Ça va être pareil, d'après moi. Ça va être pareil. Parce que la Russie n'aligne pas vraiment le meilleur alignement qu'ils peuvent. Peut-être. Ça, je te le donne. Puis mais... ils jouent sur une glace aussi. Peut-être qu'ils ne sont pas habitués non plus. Ouais, c'est ça. Mais gars, la Suède est venue ici pour justement s'habituer à la glace. Donc, tu sais, c'est ça. Mais Pierre, je trouve que tu as très raison à ce point-là, que c'est peut-être le temps de chercher quelque chose. Justement, dans les prochaines quelques heures, là, j'ai presque fini d'écrire un petit topo sur le blog de l'inconduitedeparti.com sur là-dessus quelles sont mes opinions. Moi, j'y vais plus pour justement une belle petite série. Quelle est la meilleure ligue au Canada? Tu mets un trophée bidon. Un beau petit bol, là, en tout cas. Tu appelles ça le best league in the country. Ouais, ça pourrait être un bon tournoi. Mais un match contre... Ouais, je m'en fous. Ça serait trop intense. Non, je m'en fous que ce soit intense. Ouais. Je préfère que ce soit intense, mais ça va être excellent pour justement voir les gars pour hockey junior majeur du Québec, pour le championnat mondial exactement. Moi, c'est le même joueur que ça. Ouais, ça pourrait être une excellente formule, mais ça va être encore à revoir parce que je pense que cette année, là, la Russie n'a pas été de classe contre la Ligue junior majeure du Québec et ne sera pas de classe non plus contre la Ligue de l'Ontario et la Ligue de l'Ouest. Non, aucunement. Donc, ça va être à vérifier pour les prochaines années. C'est bon. Sur ce, on s'en va en pause. Oui, on va aller à une pause. On va avoir une petite chanson au retour. Et après ça, on continue Shawinigan. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé entre Shawinigan dans leur match de fin de semaine. Et il affrontait les Remparts en tout. Donc, on va savoir, Patrick, qu'est-ce qu'il va nous dire. On se voit dans 2 minutes. Le Noël du Pauvre est fier de présenter son 51e Téléthon le vendredi 4 décembre sur les ondes de la télévision de Radio-Canada, Mauricie. Pour chaque dollar versé, 92 sous retourneront directement en dons pour les plus démunis dans le secteur où l'argent aura été recueilli. Desjardins, Stratos Pizzeria, les pharmacies Jean Coutu, Sears, Radio-Canada Mauricie et CIFU 89.1 FM sont fiers d'être partenaires de la 51e édition du Noël du Pauvre. Vous pouvez faire parvenir vos dons avant le 4 décembre au casier postal 141 Trois-Rivières, G9A 5E3, ou venir les porter directement à la salle Jean-Antonio Thompson le 4 décembre prochain. Le Téléthon débutera à 17h et se poursuivra jusqu'à minuit. La 51e campagne du Noël du Pauvre, une tradition de générosité. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Parce que vous êtes surchargés au niveau de vos études et de l'emploi que vous devez assurer en dehors de vos études, vous avez besoin de repos de temps en temps. Et la Bible dit que ce repos est en Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. Si tu es un étudiant qui veut faire de bonnes actions pour toi et la communauté, ta place est avec nous. Viens partager avec nous la parole de Dieu. À tous les mercredis, entre 13h15 et 14h15, au 1031 Néribaud-Chemin, à la chapelle de l'UQTR. Pour de plus amples renseignements, 819-244-9779 ou par courriel à l'adresse ashilohacommercialhotmail.com. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de thèmes émergents. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89.1. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Mandal, vous écoutez Inconduite de partie sur C'est fou. FX, The Quitter. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. Il est présentement 9h39. Et qu'est-ce qu'annonce à la météo, Colette? Ah, présentement, il fait un beau 1 degré. Il annonce 4 aujourd'hui avec du soleil. Du soleil aussi demain. Fait que c'est du beau temps pour. La première neige, elle va être le 30 novembre ou 1er décembre. Fait que c'est pas stressant. La première neige, on l'a pas déjà eue? On l'a eu, là. On l'a déjà non, eu. Non, mais la prochaine neige. La prochaine qui risque de rester même rendue là. Je suis pas sûr encore. Fait que... C'est long. Ben, merci, savoir. Colette. Ça fait plaisir. Jocelyne Blouin. Pierre-Luc, oui. Les remparts étaient en ville. Oui, les remparts étaient en ville ce vendredi dernier contre justement les Cataractes. Donc, écoute, j'étais présent à la partie. Ben, vas-y. Et j'y vais. Écoute, les notes de match, bon, ben, c'est une deuxième grosse fois de la semaine. On avait parlé contre les Russes. Québec contre les Russes, ça avait été 4000 environ. 47 personnes, ouais. C'est contre Québec, c'est full plein, 4125. On s'entend qu'il y a tout le temps 200-300 personnes qui font le voyage de Québec, Shawinigan. Donc, bonne foule, honnêtement. Ouais. Beaucoup d'ambiance dans l'aréna. C'est sûr que l'attrait de Patrick Roy est tout le temps là aussi. Hein, donc, ça va ça à travers. Beaucoup, ça l'aide beaucoup dans tous les arénas de la Ligue. La Ligue. Aussi, ouais. Peter Delmas s'était blessé pour le match. Ouais. On parle que ça pourrait être très long comme blessure. Je sais pas si ça pourrait être environ... c'était terminé encore là, okay. Pour quand il va revenir, mais ça pourrait être quand même assez long. Jean-Philippe Gagnon, je sais pas s'il va faire l'affaire. Ben, il a pas fait l'affaire, non, je peux il a te pas dire. Fait l'affaire, cette game-là. C'est une victoire de Shawinigan 6-1 contre Québec. Très surprenant, je dirais, comme performance. Première période, les buts, Michael Bournival avec les aides à Roussel et Marcoux. Québec, par la suite, est venu égaler la marque à 10-44. C'est Patrick Cusack qui vient marquer en avantage numérique. Et à 19 minutes 11, donc la première période est presque finie, Shawinigan vient de faire 2-1. C'est Roussel avec des aides à Vandal et Bournival. Donc la première période, les tirs 14-11. Québec, je dirais, jouait mieux que les Cataractes. C'était un peu plus rapide. Il y avait beaucoup de mises en échec des deux côtés. Gabriel Girard, de son côté, le gardien, a connu une forte c'est partie. C'est la vedette du match, Gabriel Girard. Là. Encore, là, il est revenu, là, il est reparti, je dirais. Deuxième période, les Cataractes viennent faire 3-1 dès le début de la période. C'est, écoute, je vais être bien franc, j'étais aux toilettes, je lui ai manqué le but. Il y avait 20 secondes, de fait, c'est pas de ma faute. Là. C'est Antoine Houde-Caron qui vient faire 3-1, justement. On retire Jean-Philippe Gagnon à la place. On met Éric Bourdon dans les filets du côté. Après seulement le troisième but. Après seulement le troisième but, mais tu vois, Patrick Roy disait justement que c'était chancelant de la part de Gagnon. Ouais. Des longs retours, puis pas génial. C'était la deuxième apparition dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour le Cerbère Éric Bourdon. Ça se continue pour les Cataractes dès la montée suivante, donc une minute plus tard. C'est pour la Roque Marcoux qui vient faire 4-1 pour les Cataractes, des aides avant dans les Bournival. Donc, en deuxième période, les tirs, c'est 25-21 pour Québec, au total, là, je parle. Le jeu, c'est justement plus chaud, mais les Cataractes ont semblé prendre justement les devants, plus rapide, travaillaient plus stable en défensive aussi. Troisième période, bon, ben, il se passait rien de gros jusqu'à la huitième minute. Jusqu'à temps que Dominique Savoie vient entrer violemment avec Gabriel Girard de dos. Là. Girard tête dos sortait du filet. Savoie il rentre dedans. Bon, mais tu sais, la frustration. On a réussi à éviter la foire. Par contre, c'était pénalité. Puis en tout cas, c'était calme. Girard resté dans la partie. Par contre, Shawinigan à 10 minutes 17. On s'est venu faire la marque 5-1. C'est un but de Martel. Avec une aide à Tommy Tremblay. Tommy Tremblay qui a connu une très bonne partie pour le joueur, justement. Que toujours aussi robuste. T'es robuste, oui. Ouais. Il y avait Danny Kidon-Paquet. Hey, en passant, Danny Kidon-Paquet s'est fait ramasser dans la partie. Oh, ça n'a pas été beau. Il s'est fait écœurer aussi. Je peux vous dire, en arrière du banc, ça parlait. Il y avait des commentaires, je dirais, désobligeants de la part de certains fans par rapport à Patrick Roy, par rapport à certains joueurs des remparts. Ouais, ben ça, je l'ai lu justement dans le Journal de Québec. Ouais, Patrick Roy en parlait un peu, il disait que c'est pas des choses qui se font dans la Ligue, malgré que, regarde, ça se fait partout dans la ça Ligue. Ça se fait partout, mais en tout cas, Patrick Roy a dit, il dit, Patrick, toi, ça vient-tu te chercher ça? Il dit, gars, moi, j'ai 44 ans, j'en ai vu, là. Mais eux autres, des kids, là. En tout cas, c'était pas génial. Et finalement. Mais Paquette aussi, il l'a vu en masse, hein, parce que partout ce qu'il allait, il va, c'est mais il était un beau calvaire en sortant de je peux te le jurer. Je l'ai eu en entrevue puis il était pas très heureux. et finalement, Shawinigan vient de faire la marque 6-1. C'est Maxime Legault qui profite d'une cage béante pour faire son sixième but de l'année. La Breque récolte une aide. Les tirs finales 33-22 en faveur des Remparts. Donc, mais c'était pas des grands tirs non plus. Non, c'est Gérard était partout, faisait le travail. Donc, parce que c'est quand même les Remparts qui ont le dessus côté tir. Puis, ouais, quand même une défaite de 6-1. Ouais. Donc, c'est que Gérard a fait du bon travail. Oui, exactement. Puis, de l'autre côté, ça, le travail n'a pas été fait de la part des gardiens. Non. Les étoiles du match, c'est Michael Bournival qui récolte la première étoile. Pierre-Éric Martel, la deuxième. Et Gabriel Girard récolte la troisième étoile. Donc, on va aller aux entrevues d'après-partie. On va aller écouter justement Patrick Roy, savoir ce qu'il avait à nous dire. Il va dire un peu qu'est-ce qui n'a pas été dans la partie puis qu'est-ce que son équipe a à faire pour s'améliorer pour le reste de la saison. Ah! J'ai un problème avec mon... bon, ça des va bien. Des choses qui arrivent, quoi. Des choses qui arrivent. Écoute, j'ai un petit problème avec mes choses. Donc, Pierre-Luc, je vais voir si j'ai l'autre entrevue de Bournival. Ben non, tout m'a lâché. OK, vas-y, Pierre-Luc, bon. on va écouter. Je vais peut-être écouter l'entrevue de Patrick Roy tantôt. Je pense qu'il y avait des choses intéressantes juste sur le futur de son équipe pour la saison. Ouais, donc, ouais, je te laisse y aller avec le reste. Yes, donc on va continuer sur le deuxième match des Cataractes qui se jouait ce samedi. C'était contre le Junior de Montréal à Montréal, par contre, cette fois. Ça a été quand même assez un gros match, je te dirais. Tout d'abord, en première période, le Junior a pris les devants 1-0 sur un but de Nicolas Chouinard. C'est en deuxième période que les Cataractes sont venus niveler la marque sur un but de Pierre-Alexandre Vandal. Et ensuite, en troisième période, c'est vraiment là que le tout s'est joué. Donc, il restait... quelques minutes, il restait 4 minutes au match lorsque Tony Ritter a déjoué son ancienne équipe. Yes sir, a déjoué son ancienne équipe. Jean-François Bérubé, le gardien de but. Donc, Michael Bournival a compté le dernier but dans un filet désert pour porter la marque à 3-1. Donc, victoire des Cataractes. Deux victoires en deux matchs cette fin de semaine pour les Cataractes après avoir vaincu la grippe H1N1. Ils reviennent en force. Et c'est un peu ce qu'Éric Veilleux disait aussi, c'est un nouveau départ pour l'équipe. Ils se replacent là, je pense que pas avoir joué pendant une semaine, ça leur a mis certaines choses en perspective, à bonne place. L'équipe fait un nouveau début, puis justement, si c'est comme ça s'est passé en fin de semaine, ça augure bien pour la fin de la saison. Là, ça augure bien, on va voir si ça va continuer. Les Cataractes sont au bon classement par rapport à l'équipe qu'ils ont. Là. C'est pas vrai qu'ils devraient être tout ce qu'ils sont présentement. Donc, Ben, je te dirais que les Tigres et les Voltigeurs vont être durs à aller chercher. Ah, oh, ça, je suis d'accord, sont par contre. Ils sont dans une remontée incroyable de ce temps-ci. Donc, puis les Voltigeurs, je pense que c'est une équipe dure à battre. Mais en tout cas, on leur souhaite la meilleure des chances. Et c'était encore Gabriel Girard qui était dans les buts dans ce match pour les Cataractes. Lui qui a fait 23 arrêts dans ce match. Donc, une 7e victoire pour lui cette saison. On se dirige maintenant du côté de Victoriaville. Alors que les Tigres avaient eux aussi deux autres matchs cette fin de semaine. Tout d'abord, ils étaient à Gatineau ce vendredi pour y affronter les Olympiques. Et tout d'abord, en première période, les Olympiques qui ont pris les devants 2-0 sur des buts d'Alexandre Kennel et de Denis Kindle. Ensuite, en deuxième période, les Tigres sont venus rajouter un but. Marquer un but tout simplement sur un but de Marc-André Laroche. Et ensuite, c'est en troisième période que Olivier Hain s'est venu niveler la marque pour faire 2-2. On se transporte maintenant en fusillade. Nestracil et Brendan Hines ont chacun compté un but contre le gardien Maxime Clermont. Et du côté des Olympiques, Alexandre Kennel et Le Duc a été arrêté par Kevin Poulin, ce qui donne une victoire des Tigres 3-2 en fusillade devant 3000 spectateurs réunis à au centre Robert-Guertin. Donc Maxime Clermont qui subissait une 9e défaite cette saison, l'excellent gardien de but Maxime Clermont. Donc, ça va bien de son côté. On continue avec un autre match du côté de Victoriaville. C'était ce dimanche, ils affrontaient la pire équipe de la Ligue. Eux qui ont seulement 5 victoires cette saison, les Moussettes d'Halifax. Donc, ça va pas bien à Halifax. Là. Non, ça va pas bien. Sais-tu les foules, ça ressemble à quoi, Halifax? Quand même? Les foules? Ah, ça va bien quand même. Ouais, c'est ça le pire. C'est ça qui mais est pire. Ils l'ont dit à Halifax, il y a un spectacle sur la glace, mais un spectacle... hors de la glace. Sass Jordan, c'est ça? C'est-tu... Non? Hein? C'est pas Sass Jordan ou Big Blue Sea, Big Red Sea? Non. OK, c'est pas un band, c'est pas... C'est pas genre Julie Mars qui... Pendant les entraques, Julie Mars et Corey Hart, non? Non, je sais pas. Là, on appuie sur d'autres choses, comme l'interaction là, avec le tableau. Le tableau indicateur. OK, c'est comme des jeux... Ouais, des jeux interactifs. Ah, c'est fun. tout le monde gagne un toutou, puis... Ah, ça, c'est du marketing de qualité. Ouais, ça, c'est du marketing. Donc, victoire facile des Tigres. Donc, ça a été par la marque de 6-1. Brendan Hyde, 3 buts dans la victoire. Ensuite de ça, les autres buteurs sont Yanni Gourde, Philippe Michael DeVos et Joël Chouinard. Comment? Gourde? Gourde. Oh, Yanni, en plus, ils ont enlevé ses codes. Yanni Gourde? Yanni, ouais. Comme c'est l'ancien joueur de piano. C'est venu ça un peu, c'est Yanni. Il doit pas avoir soif souvent, lui. Bon, on passe à un autre appel. Il en donc, fallait une. Du côté des buteurs, du côté d'Halifax, Travis Randall a été le buteur. Par contre, on regarde du côté des tirs, 30-25 pour les Mooseheads dans le match. Donc, ça a été quand même assez un gros match pour Antonio Mastropietro, le deuxième gardien des Tigres. Donc, c'est ça. Là, son frère, c'est-tu Yanni Fiol? Yanni Fiol? Ou... Aïe, aïe. Yanni... Faudrait s'informer. Yanni Backpack? Yanni... Donc, victoire des Tigres 6-1 devant 2500 personnes réunies au Colisée Desjardins. Donc, c'était une 9e victoire de suite pour les Tigres. Ça va très, très bien de leur côté. On est maintenant en avant des remparts dans le classement général. Donc, on est maintenant au 3e rang du classement général en ce moment. Cette année. C'est eux, je pense que Nicolas, tu as réussi à retrouver notre entrevue avec Patrick Roy. Exactement. Je pense que tu vas pouvoir analyser. T'avais fini, il te restait Drummondville? Il va rester les Voltigeurs. OK. J'aimerais que tu m'analyses, par contre, ce qu'il va dire par rapport au reste de la saison sur les remparts. Donc, on va aller écouter Patrick Roy, ses commentaires d'après-match contre le Shawinigan et un peu sa critique par rapport à son équipe. Quel genre de match que vous attendiez ce soir? Non, c'est sûr qu'on est déçus de la performance d'équipe. Mais en même temps, je pense qu'il faut admettre que les Cataractes ont joué un très bon match. Il était intense, c'était sur la rondelle. En même période, c'était très physique, il y a eu de très bonnes mises en échec des deux équipes. Et puis, par contre, en deuxième, ils ont été capables de maintenir cette intensité-là. Nous, on l'a pas fait. Puis, ça a donné les résultats que ça a donné. Il y a quand même des joueurs, Stefanovic, Chakina moins 4, Gilbert moins 2. Les meilleurs sont fait sortir par les meilleurs du monde. Ben, ce que j'ai surtout aimé de ces joueurs-là, c'est la façon dont ils se sont repliés défensivement, puis ils ont joué défensivement. T'sais, tu regardes les statistiques, puis souvent les statistiques, il faut faire attention, mais il y en a par contre qui ne mentent pas. Pis, en avantage numérique, on est premier dans la ligue. En désavantage numérique, on était quoi, troisième. But marqué, je pense qu'on est les 3-4 premiers. Mais les buts contre, on est le milieu du peloton. Fait qu'on a un engagement à faire au niveau défensif. Il va falloir être de loin supérieur dans notre zone. On dirait là, qu'on travaille pas bien. Défensivement, puis je dois avouer que les Cataractes se sont bien démarqués. Ils ont créé de belles opportunités, puis ils ont profité du mauvais travail de notre part dans notre zone. C'est ce qui a fait la différence dans le match. Donc, Patrick Roy, qu'est-ce que tu penses de ses commentaires par rapport à ça? Ben, c'est sûr que je dirai pas que Patrick Roy, qu'est-ce qu'il dit, c'est pas vrai, parce que c'est complètement véridique. Donc, je pense que c'est du côté des buts contre que ça va pas bien. On accorde beaucoup de buts du côté des remparts, puis ça, on le voit depuis le début de la saison. Tu disais qu'il manquait probablement un défenseur de qualité à Québec? C'est en plein ça. Donc, je pense que on avait parlé la semaine passée. Défenseur de qualité, je pense que ça serait important d'en avoir un. Probablement que Patrick Roy va se charger de ça pendant la période des fêtes. Mais là, c'est parce que je commence à me demander du côté des remparts, ça va coûter comment pour être compétitif cette année? Parce que là, si Delmas, c'est comme. En tout cas, moi, j'ai lu sur certains sites que Delmas, c'était fini pour la saison. En tout cas, c'est vrai. C'est une grosse perte, ça. C'est vrai. Il va falloir aller chercher un autre gardien. Ben, c'est ça. Si ça coûte Jake Allen, ce que je doute, qu'il réussisse à aller. Que le prix va être cher et tout. Puis ça te prend un défenseur en plus. Il va falloir faire comme l'Océanique puis hypothéquer les prochaines saisons. Tu vas tanker après, parce que tu vas tomber. Mais à Québec, c'est pas faisable d'avoir une équipe de fin de peloton comme l'Océanique a fait l'an dernier. Les remparts, ça se voit pas. Je pourrais pas voir les Remparts au dernier rang. Puis c'est pour ça que je verrais pas Patrick Roy hypothéquer son équipe pour les prochaines années. Comme il a pas fait l'an passé, dans le fond. L'an passé, il y en a qui ont critiqué. On voit les foules au Colisée Pepsi. Écoute, c'est 10 000 personnes et plus par match. Je pense qu'avoir les Remparts en bas de calibre comme ça, on perdrait beaucoup de billets de saison. Puis je pense que les foules seraient beaucoup moins bonnes. Donc, ouais. Là-dessus, t'as un point, là. Mais à quel point les foules baissent, je sais pas. Vous êtes pas mal maniaques, vous autres, à Québec. Ouais, c'est sûr. Mais écoute, le hockey de la Ligue nationale, ça en vient. Dream on! Dream on! Yes, donc on va continuer. Du côté de Drummondville, les Voltigeurs qui affrontaient une des meilleures... Les deux meilleures. On va recommencer tout ça. Vas-y, je t'adonne. Duel des deux meilleures équipes de la Ligue. Donc, entre les Sea Dogs de Saint-Jean et les Voltigeurs de Drummondville. Ça se passait vendredi soir au Centre Marcel Dionne. Du côté des Sea Dogs, ça va bien. Ça va très, très bien. Dans ce match, on signait contre les Voltigeurs une 14e victoire de suite. On prend à parler là, des Sea Dogs. Ils sont rendus maintenant à 15 victoires de suite en ce moment. Sont au 7e rang de l'histoire de la Ligue. Avec le nombre de victoires à égalité avec les Cataractes de l'an dernier, les Mooseheads de 98-99 et les Remparts de 70-71. Ça va bien du côté des Sea Dogs, 15 victoires de suite. Donc, on pourrait se monter au 6e rang de l'histoire avec le nombre de victoires, avec une autre victoire là, cette semaine. Remparts 70-71, c'est Guy Lafleur. Hein, c'est Guy Lafleur, ouais, hein? Ouais. Donc, c'est pas n'importe quelle équipe. Non, hein? Non. Il n'y avait pas Gaston... Lepage. Non, il n'y a pas une shape de hockey, Gaston Lepage. Oh non. Non, Gaston Therrien. C'était pas Gaston Therrien qui jouait là? Ah non, il jouait avec Raymond Bouc. En tout cas, je te laisse continuer. Donc, comme on le disait, victoire des Sea Dogs 4-3. Les buteurs du côté des Voltigeurs, Ryan McKernan, Sean Couturier et Gabriel Dumont, chacun marqué en avantage numérique. On s'est rendu en fusillade quand même, mais c'est Mike Hoffman, l'ancien joueur justement des Voltigeurs, qui a compté un but contre Frédéric Piché. C'est lui qui a donné la victoire aux Sea Dogs de Saint-Jean. Donc, Mike Hoffman, qui est venu hanter son ancienne équipe en fusillade, lui qui a donné la victoire à son équipe pour une 14e victoire de suite. Wow! Les Sea Dogs sont en feu. Du côté, on se transporte maintenant ce samedi, toujours à Drummondville. Là, c'était encore une fois contre les Mooseheads, la pire équipe de la Ligue. Et les Voltigeurs ne l'ont pas eu si facile que ça, comparativement aux Tigres, qu'ils ont complètement défiguré. Ça a été une toute autre chose pour les Voltigeurs, alors que ça s'est terminé seulement par la marque de 5-3. Mais à un certain moment donné, en deuxième période, c'était 3-3 entre les deux équipes. Donc, c'est deux buts en deuxième et troisième période qui ont permis aux Voltigeurs de l'emporter. Les buteurs, Philippe Bergeron, Sean Couturier, 3 buts. Lui qui a été vraiment la vedette du match. Marc-Olivier Vachon a été l'autre buteur. Et du côté des Mooseheads, Gérard, ça aussi c'est beau. Gérard Grant, 2 buts. Et Charles Betty a l'autre but. 43-21 dans les tirs quand même pour Drummondville. Donc ça a été quand même une bonne domination. Mais on le sait, hein, Mathieu Corbin-Thériault, le gardien des Mooseheads, est excellent. Je pense que c'est le seul dans l'équipe qu'on peut dire qui perce cette année. Puis qu'on... Thomas Knotek aussi, je pense qu'il est pas si fait, mais... Comment qu'il s'appelle? Thomas Knotek. Knotek? Ouais. Ouais, ça... Ouais. Pas pire nom aussi. Ben, le seul à le donc, connaître, c'est Antoine Tardif qui remportait sa 16e victoire de la saison face aux Mooseheads. Donc, ça va bien pour les Voltigeurs. Le classement en ce moment dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, Sea Dogs de Saint-Jean au premier rang avec 47 points, Voltigeurs de Drummondville au deuxième rang avec 42 points, et les Tigres, comme on l'a dit plus tôt, au troisième rang avec 39 points à égalité avec les Remparts de Québec, et au cinquième rang, on retrouve les Screaming Eagles du Cap-Breton. Du côté des joueurs de la semaine, du côté offensif, c'est le joueur des Saguenay Chicoutimi, Nicolas Deschamps, lui qui a amassé 3 buts et 4 passes en 3 matchs, donc 2 buts en désavantage numérique cette semaine. Donc Nicolas Deschamps, le joueur offensif de la semaine. Du côté défensif, Nathan Donnette, l'ancien gardien d'éthique de Victoriaville, qui est maintenant rendu du côté du Drakkar de Baie-Comeau, lui qui a ramassé 2 victoires cette semaine avec une moyenne de 0.50 et un pourcentage d'efficacité de .980. Il a même amassé un jeu blanc là, face à l'Océanique de Rimouski vendredi dernier. On regarde aussi du côté des matchs des Cataractes qui ont été annulés la semaine dernière. On a finalement fixé une date. Donc, ça sera Halifax le 19 janvier, à l'Île-du-Prince-Édouard le 20 janvier et Anacadie-Bathurst le 21. Donc, trois matchs en trois soirs. En trois soirs pour l'équipe. Ça va être quand même assez difficile pour eux. Et à cause justement de ces matchs-là, le match entre les Voltigeurs et les Cataractes qui devait avoir lieu le 22 janvier aura finalement lieu le 20 décembre pendant le temps des fêtes. Donc, on a finalement trouvé belle petite sortie, par contre, ça, le 20 décembre pour... Oui, en plein temps des fêtes. En plein temps des fêtes, oui. Oui, pendant que nous, on est en examen, justement. Donc, c'est ça. Donc, les Sea Dogs de Saint-John, on en a parlé plus tôt, 15 victoires de suite, vont tenter là, de se hisser parmi les plus grands. Avec le record est de 25 victoires, donc on est à 15. On verra si ça pourra continuer. Donc c'est tout, Nicolas, pour les nouvelles de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Ben, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc. Donc on s'en va en musique. On va aller écouter les trois accords avec la chanson Pull Pastel. Chandail vert, là. Vert flash. Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou.

Ensuite, en troisième période, les deux équipes sont partagées 2 buts chacun. Rodrigue complète son tour du chapeau. La Liberté, 3 passes dans la partie. Et Manville, 3 points. La défaite va à Poitras. L'autre partie, c'était dimanche contre le Marquis du Saguenay. Une victoire de 6-3 du Coronguay. En première période, le Coronguay a pris les devants 3-1. Lambert, Noiseux et Labelle ont été les marqueurs. En deuxième, Maxime Ouimet a remis ça avec son deuxième but de la saison. C'était 4-1 après 2 périodes. En troisième, 2 buts de chaque côté encore une fois. Les buts du Coronguay à Marc Bocage sont 11e et est en avantage numérique. Et Labelle, son deuxième de la partie, son 4e de la saison. 46 tirs contre 29 pour le Coronguay. La victoire à Poitras. À Poitras, 3 passes de Sénec à 5 dans la partie. 3 points pour Lambert également. Cette semaine, le Coronguay visite le Saint-François de Sherbrooke et reçoit Saint-Georges. Ils sont présentement premiers avec 6 points d'avance sur Saint-Georges, justement. Okay. Hey Seb, pourrais-tu me parler de la performance de Mike Ouellet? Ah, lâche-moi! Lâche-moi! Mike Ouellet n'a pas joué. N'a pas joué en fait, semaine. Je pense qu'il est encore en remise en forme. Ah. Il est pas en pleine forme pour l'instant. Toi, je te jure, man, si tu dis ce nom-là une fois dans l'émission, je te pète la gueule. Ouais, façon double, c'est fini. C'est on va fini, le mettre là. Tu me lâches avec ça. De toute façon, il va peut-être revenir dans pas long parce que Sébastien Cyr, il va faire des combats ultimes en même temps. Ben, c'est prochain XMF qui a lieu dans en fin de semaine. Pas non, celle-là, l'autre. Le 5, oui. Hey, par là-dessus, on va sûrement avoir Gabriel Lavallée, peut-être JP Giroux en onde la semaine prochaine pour... parler de ça, ça va être intéressant. Bonne nouvelle. Hey, j'y vais moi avec un petit match, un petit déroulé en fin de semaine. On n'en parle pas, là, mais je vais me mettre à en parler à l'avenir. La Ligue collégiale 3A qui a débuté ses activités cette année. Là, c'est 1-0, c'est une saison d'exhibition. Je sais pas pourquoi faire une saison d'exhibition, mais en tout cas, personnellement, je trouve ça inutile, mais en tout cas. Donc, les Collèges de Flèche étaient en action contre les Patriotes de Saint-Laurent, du Cégep de Saint-Laurent. C'est une défaite de 7-3 pour le Collège de la Flèche qui avait bien commencé la saison. Par contre, ça va un petit peu moins bien présentement pour les Dragons. 2-3 défaites de suite. Donc, on va regarder ça. On va en parler un petit peu plus à l'avenir. On peut continuer avec la boxe. Vas-y avec la boxe. Un combat en fin de semaine. C'est André Ward qui affrontait Michael Kessler. Une défaite pour Kessler, sa 2e en carrière seulement. Ward est toujours invaincu avec 21 victoires, 0 défaites, 13 par KO. Le combat s'est terminé par une décision technique unanime. Ward, un ancien médaillé d'or olympique, ajoute une ceinture à sa fiche, la ceinture pour le tournoi des 6. C'était controversé encore parce qu'il y a eu plusieurs coups de tête de la part de Ward sur Kessler. Ça l'a pendu, puis Kessler n'est pas vraiment apprécié, mais c'est quand même. Mais Kessler a dit que dans sa tête, il y avait 2 adversaires dans le ring, Ward puis l'arbitre. C'est vrai? Oui, que de la façon qu'il laissait. Kessler a eu de la misère aussi à s'adapter au style de combat de Ward. Pas mal plus rapide Ward. Ouais, c'est ça. Ça apparaît contre Calzaghe, ça apparaît contre Ward. Ça reste un excellent boxeur des deux. Excellent. Hein. Et aussi, on surveille en fait semaine Buté qui se bat contre Librado Andrade. Est-ce qu'on a des prédictions pour chacun de vous deux? Bon, ça avait été difficile l'autre fois, mais... Je pense que Buté va gagner. À moins d'un lucky punch, d'un coup de poing chanceux. Personnellement, là, on avait vu comment Bouté avait dominé le premier combat jusqu'au dernier round. Je pense que ça va être similaire quand même cette en l'autre, ça va pas encore un vol parce que si c'est un vol comme l'autre fois, ça va vraiment genre ça va faire jaser encore une fois. Bon, faut qu'il ressorte fort. C'est-tu Marlon Wright qui arbitre le combat? Je pense que oui. T'es-tu sérieux? Ça serait trop. Alors, ça doit pas. Hey, alors, ça doit pas, là. Je peux pas croire que le clan. C'est souvent les gros combats des soirées. Oui, je sais, mais je peux pas croire que le clan Andrade laisserait ça faire. J'espère que non. Je peux pas croire. On poursuit avec le MMA. Vas-y. Il y avait un gala en fin de semaine, UFC 106. À la tête d'affiche, c'était Forrest Griffin contre Tito Ortiz. Ma prédiction était bonne. J'en ai eu 3 sur 4 parce qu'il y a eu un combat qui a été annulé. Tito Ortiz a perdu par décision contre Forrest Griffin. Il y a eu Josh Koscheck qui a battu, c'est ma seule prédiction qui n'était pas bonne, qui a battu Anthony Johnson par soumission au 2e round. Et Koscheck, après son combat, a invité Georges St-Pierre pour un combat revanche, mais est-ce que Georges St-Pierre s'en fout un peu? Il s'en fout pas. Probablement que oui. Il y a Dan Hardy. Il avait démoli. Démoli tout simplement. Puis là, il y a Dan Hardy aussi qui est là. Est-ce que ça va faire un combat Dan Hardy contre Koscheck avant? Ça pourrait être les deux contre St-Pierre. Les deux en même temps. Ouais. Tu sais, St-Pierre, il gagne des combats contre. C'était contre Thiago Alves? Ouais, il a battu Alves. Non, le dernier, son dernier. C'était contre. C'est Alves. Ouais, c'est ça. Il se déchire un muscle dans l'aine, puis il gagne quand même le combat comme si de rien n'était. C'est pas Koscheck et sa chevelure qui va le battre. Il y a une victoire de Nogueira contre Luis Kane. C'est une victoire par KO au premier round. Il y a aussi Amir Sadola qui a battu Phil Baroni. Baroni qui a montré son endurance une fois de plus. Une victoire par décision unanime. Aussi la victoire de Paulo Thiago par décision, de Ben Saunders par KO au premier round et Kendall Grove par soumission au premier round. Il y avait un autre combat qui était ciselé pour les combats principaux, sauf que Carol Parisian a été pris pour dopage et le combat est annulé. Dana White l'a tout simplement mis dehors de UFC. Aslett a touché la somme qui lui est revenue pour le combat. Prochainement, le prochain UFC, c'est la finale de Ultimate Fighter. Tête d'affiche Matt Hamill contre John Jones qui est invaincu. Il y a aussi Frank Edgar qui va se battre dans ce gala-là. Et Kimbo Slice qui effectuera son premier combat UFC contre Houston Alexander. Ça aura lieu le 5 décembre, le même soir que le prochain gala de XMF2 qui aura lieu au séminaire Saint-Joseph, comme que Nicolas a dit. On en parlera la semaine prochaine probablement. Les billets sont disponibles, j'ai une couple de places dans les X3 puis les X3 chez Noctagon en tant que tel dans le bas de la ville. Sûrement bronzage Laguna, mais quelque chose comme ça. Peut-être aussi là. Cire des Marais, Bellemare, Daigneault et Giroux en action, ça va être intéressant, manquez pas ça. C'est tout pour la revue de presse. C'est tout pour la revue de presse. Donc alors musique, on va aller écouter Construction du groupe Band de Garage. Et à la retour de la pause, on va parler football, la Coupe Vanier qui s'en vient en fin de semaine, aussi la NCAA. Donc JP Grenier va être avec nous. Vous écoutez La Conduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'était Band de Garage avec la chanson Construction. Vous êtes à l'écoute de l'Inconduite de partie. Il est 10h18, c'est le temps de parler football. Monsieur Grenier, êtes-vous à Londres? Bonjour les gars. Ça va bien? Ça va bien vous autres? Mais ouais. Oui. Êtes-vous allé voir Twilight en fin de semaine? Oui, non. Non. Vous êtes pas allé voir ça. Hey man, le problème de micro. Hey, le micro il vient de me lâcher, je viens de le manger dans la face là. Ah! Dans l'œil, là. Ah, il était fendu. Je sais. Problème technique ici en studio. Fait que. Aïe, aïe. Fait que, écoute, je te laisse commencer à parler de football pendant que j'appelle. Non, on parle pas de Twilight, maman. Bob le bricoleur. OK. Bon, mais grosse fin de semaine, comme vous saviez, décevante. Par contre, on sait tous Laval qui se sont inclinés à la Coupe Mitchell. C'est décevant. C'est triste pour les gars. On s'attendait tous à une victoire. Non, c'est ça. Les gars ont perdu par la marque de 33-30. Donc, leur saison est finie. Même la carrière pour certains, dont le carrière Benoît Groulx. Ouais, pour ceux qui espéraient qu'ils fassent la CFL, oubliez ça, là. C'est pas vrai, là. Il n'y a pas un carrière canadien de sa taille avec une bédaine qui va faire la LCF, là. Malgré tout son talent, je pense, de passeur et puis de leader. Ouais, mais ça reste un carrière canadien, là. C'est, t'as pas joué dans NCAA, là. Non, c'est ça, là. À peu près 99% des carrières sont... Puis avec le quota de joueurs canadiens aussi... Ben, c'est parce qu'il y a avec le quota de joueurs canadiens, c'est que le carrière compte pas. OK. Fait que ça change rien. Fait que t'es pas obligé d'en avoir un canadien. OK, fait que les équipes vont préférer un Américain qui est, ben, c'est sûr qu'il est meilleur, là. T'as tout compris. Ah, donc, tu me diras pas, anyway, que Adrian McPherson est que Benoît Legroux est de calibre avec Adrian McPherson. Non, c'est ça. Même Chris Leake qui est meilleur, je pense. Mais les deux, ils ont fait la NFL aussi un peu. Leake puis McPherson. Non, c'est ça. Puis Leake, t'en étais quand même très bon, là, à Florida. Là, non, t'sais. C'est ça. Il a gagné le championnat national. L'autre, il a gagné la Coupe Vanier. Là, on s'entend que c'est pas le même calibre. Non, là. Non, en effet, tu pourrais pas mieux dire. Donc, peut-être que Benoît Legroux pourrait avoir une chance de se faire repêcher, mais c'est sûr qu'il va jouer à une autre position. Ça va avec ses qualités athlétiques, c'est pas comme ça. Ouais, c'est ça, il court pas vite, là. Fait que. C'est Mathieu Bertrand, ils l'ont même pas mis corps arrière, puis il était excellent à Laval, là. Exactement. Donc, résumé du match, là. Match quand même assez serré. Le Rougeau, qui ont quand même manqué plusieurs chances de sceller l'issue du match, beaucoup d'échappées. Christopher Milo, qui nous avait habitué à des matchs solides et constants, a raté quelques placements, dont une 44 verges, donc ça n'a pas aidé. Puis les Gales ont tout simplement été vraiment dominants cette semaine. Là, c'est le gros match qu'ils ont sorti qu'il leur fallait. Donc non, Laval n'ont pas été chanceux de ce côté-là. S'il y avait un match qu'il ne fallait pas qu'ils perdent, c'est bien celui-là. Ouais. Parce que je pense que rendu à la Coupe Vanier, ça aurait comme... pas été facile, mais avec la foule de ton bord... Ben, t'aurais joué à la maison, là. T'aurais des joué millions, à... des joueurs, puis non, c'est ça. Fait à noter, il y avait le fils de notre analyste préféré, Gaston Therrien. Oui. Jimmy, qui est le porteur de ballon des Gales. Ouais. Non, c'est ça. Fait intéressant de près RDS, là, qui nous ont sorti ça. je pense qu'on a entendu parler toute la semaine dans les T'avais aussi, j'essaie de me souvenir, là, je pense que c'est Justin Chapdelaine. Justin Chapdelaine. Ah ouais, le fils. C'est le fils de l'autre, c'est le fils de Jacques Chapdelaine. Donc, okay. Ouais, c'est ça, Justin Chapdelaine. En tout cas, je pense, ça je vois sur Internet. Là. Donc, c'est ça, son père qui est. Ouais, c'est ça, Justin, il y a Matt aussi, c'est les deux sœurs. Les deux fils de Jacques Chapdelaine qui est maintenant entraîneur. Calgary Chapdelaine, je pense? BC ou Calgary, je suis pas sûr, moi. C'est pas le coordonnateur offensif à BC? Il est coordonnateur offensif, mais. Ouais, BC. BC, on exactement. L'a vu au match dimanche. Ouais, tu l'as vu, toi? Ouais. Ok, c'est correct. Je l'ai reconnu. Moi, j'ai crié Wally, j'ai carré Wally Buono. OK. Donc, non, c'est ça, pour revenir au match, les deux carrières, on peut pas dire qu'ils ont joué des mauvais matchs. Là, Benoît Groulx avec une récolte de 425 verges aériens, 3 passes de toucher. Brannigan, l'autre bord, on s'attendait à un gros match de sa part. On l'avait pas autant que ça. Passé, là, 300 verges par la passe, 2 touchés. Donc, c'est pas les carrières qui ont fait la différence. Je pense que c'est plutôt la défensive que... Ben, Brannigan, moi, personnellement, Brannigan, ils m'ont impressionné pas à peu près. Il a un vraiment bon bras. Il a un bon bras, mais il y a une précision, là. Ça l'allait directement. Écoute, il a réussi à percer la tertiaire des... Voyons, du Roger Hall, là. Faut le faire, ça. Les passes dans le centre, il y en avait une par-dessus une autre, là. Vraiment, je pense que le Roger Hall a été... j'ai juste le terme en anglais, là, mais outplayé. Ils ont affronté une équipe qui était peut-être mieux préparée qu'eux autres. Puis ça a été long. Ils se sont ajustés en fin de partie, là, mais c'était très long avant que justement il y ait de quoi qui se passe. Ben, le fait aussi de jouer à la maison. Je pense que ça a été une foule qui était. Ouais, il y avait 10 000 personnes à peu près, peut-être même monde, un peu moins. Il y avait beaucoup d'ambiance. 6 009, ok. Ben, il y avait extrêmement 5 000. Beaucoup d'ambiance. Je pense que ça a l'air de beaucoup une équipe. Puis, ouais, mais. Quand même. Pour eux autres, ils affrontaient la meilleure équipe au Canada, donc on se préparait en conséquence. Je pense honnêtement, c'est ça, que le Queen s'est arrivé peut-être plus confiant. D'après moi, là, ça se pourrait-tu que, je sais pas ce que t'en penses, JP, là, mais que le Rouge et Or pensait pas à ce match-là, avait la tête au match de la semaine d'après? Je pense pas, parce que Glenn Constantin, c'est pas le genre de gars dans ce genre-là, adore les gars, la Coupe Vanier, les Coupes de la Coupe Vanier. Non, non, mais c'est peut-être, comme tu le dis, ils ont juste été outplayés, une mauvaise game dans le corps, là. Ça arrive à toutes les équipes, là. Ouais. À l'année prochaine. Ben, mauvaise game, c'était pas une mauvaise game, là. La statistique et tout, là, peut-être que c'était contre eux autres, que toutes les Coupes Vanier, ils ont gagné, ils ont tout le temps joué la finale, la Coupe UTEC ou Mitchell, à domicile. Ah. Ah, c'est intéressant. Fait. Une équipe qui n'est pas capable de jouer ailleurs? Ben, c'est pas qu'elle n'est pas capable de jouer ailleurs, c'est juste l'avantage de la foule encore une fois, là. Moi, j'étais pas là personnellement, mais peut-être que la foule est bien bruyante, puis quand on l'a vu au Stade Olympique en fin de semaine, ça a un impact sur l'attaque adverse, là. Si les gars sont pas capables de se concentrer à la ligne, ou ben le coréen faire ses calls, ben, c'est ça que ça fait de la confusion. Des revirements, là, malgré que Groulx a joué un super bon match. Puis on l'a vu en fin de match, là, la ligne défensive adverse était fatiguée. Puis lui, il esquivait ce qu'il voulait. Là. Ouais, ben, à la fin, parce que en début de partie, là, il était saqué 7 fois là, quand même, le Groulx. Là, il y a moins une autre partie dans l'année où il y a eu autant de pression sur lui. Exactement. Il n'y en a pas eu. Puis tout, la ligne de. Les secondaires de ligne de Laval qu'on avait tant vanté toute l'année. C'est la grosse déception, gros ouais. Corps de secondaire de ligne de la Ligue avec des gars qui viennent des États. Non, ça n'a pas fait le travail, je pense. Malgré que Terrien a juste eu 63 verges par la course, là, mais je veux dire, on n'a pas contraint les passes, puis je pense que c'est la position la plus importante en défensive, tout part de là. Ouais, puis moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est à quel point Sébastien Lévesque a été arrêté. C'est vrai. Il y a comment? Tu as raison. Il y a eu quoi, une vingtaine, 10-20 verges, là? J'ai pas la stats devant moi, là, mais... Bon, en même temps, tu penses-tu que c'est parce que Constantin a comme abandonné la course vu que le match était comme pas... Ouais, mais ça marchait pas en première demi pareil, là. Non, c'est ça. Fait que ça, là-dessus... Il voulait peut-être faire plus du football de rattrapage... Ben, rendu ce qui était rendu... Non, mais même en première demi, je veux dire, il y a rien qui allumait. Au point de vue de la course, il y avait absolument, mais absolument rien qui allumait. Il y a même un moment donné, là, après la première demi, là, Lévesque avait moins de verges au total avec toutes ses courses qu'il y a comme moyenne par course cette saison. 48 verges au total. 48 verges au total. En 12 portées. En 12 portées, ça fait une moyenne de... Sais-tu? Non, tu sais pas? Moyenne 48 verges, 12 portées, fait... Yeah. En dessous de 4, même? 4. 3.2. Non, 4. 4. Hey, on est bon. Cours de mathématiques. Mathématiques. Wow! Je pense que je voulais que ça soit 4. Ouais. Je voulais que ça soit pas 4, je veux dire. Elle est bonne. Donc, non, les girls, ils vont participer au match de la Coupe Vanier pour la première fois de leur la cinquième fois de leur histoire, par contre. Et la première depuis 92. Donc, un retour aux sources pour eux. Et ils vont affronter qui? Les Dinos de Calgary qui ont écrasé les Huskies. Les Dinos qui ont... Non, c'est ça. Ils ont complètement tassé de là les Huskies de St. Mary's lors de la finale de la Coupe UTEC. Pas un grand match ici, là, donc... C'était Glavik puis Neil, l'entraîneur de Calgary, c'est l'ancien de St. Mary's aussi. C'était un retour pour les deux contre leur ancienne formation. Ils en ont profité pour leur donner une petite volée, une petite leçon de football. Là. Ouais. Exactement. Donc, peut-être une petite prédiction pour la Coupe Vanier. Ouais. Ça va être là. Calgary. par 10. Calgary par 10. Ah, moi, je vais avec Queens. Avoir le match qu'ils ont joué contre le Rouge et Or, je vais avec Queens. La défensive. Je suis vraiment en deux. Queens par 3. La défensive. Queens par 7. Oh boy. Laisse Nico. Oui, laisse-moi. Prends Calgary comme moi. Oui, laisse-moi pas tout seul à Calgary. Moi, je suis en deux. Écoute, Éric Lavic a pas été une grosse force dans le dernier match. On avait parlé que Lavic était quand même un très bon carrière. Il va sortir fort. Il a été 7 en 18 avec seulement 77 verges. C'est plus Steven Lumbala qui a fait le travail avec 156 verges en 13 portées au niveau de la course. Moi, je vais pour le match nul. Pas de gagnant cette année à la Coupe Vanier. Mais ben frère, je le sais pas. Je le sais vraiment pas. Mais je te dirais que Queens m'a trop... Ah, je le sais pas. Queens m'a foutu ses fesses. Mais Calgary... À la base, je crois que Calgary est une meilleure équipe. Mais Queens m'a foutu ses fesses. Ils ont le momentum, là. Ils ont le momentum. Ouais. Je vais y aller avec Calgary parce que le monde à Québec vont planter Queens. Ah, oh, je suis pas prêt à dire ça, par exemple. Tu penses pas? Non, non. Vraiment pas. Je pense que ça a été une belle victoire pour eux autres, puis on leur en veut pas. Là, non. Plus, là, ils ont joué une meilleure game que nous autres, c'est tout. Ils sont venus scraper votre party, pareil. Ouais, vraiment. La dernière victoire. On est pas avec deux équipes de l'Ouest à la Coupe Vanier à Québec. C'est... Bon, on va s'en prendre l'année prochaine. De l'Ouest. Hein, de l'Ouest, Queens. Ben, Ontario. Queens, t'as Kingston. Ontario, ouais. Mais ça va être Calgary. On est plus à l'Ouest que nous, par exemple. Dernier match entre les deux, c'était à la Coupe, c'était en 83, une victoire de Calgary 31-21. Fait qu'on. T'sais... Ok, là, ça te met à confiance. Non, mais c'est loin, là, mais je te dis que Calgary. Gary va gagner pareil. Ah, Chandail est bien plus beau aussi. Ah, comment? bon, je vais me prononcer. Je vais y aller du bord à SF. Je vais dire Calgary. Yes! J'ai l'impression que Queens ne peut pas sortir deux matchs de cette qualité-là de fil. C'est bon. C'est bon. Good. NCA? Ouais, pas une grosse fin de semaine. J'ai retenu trois matchs qui étaient à l'affiche. Premièrement, Ohio State qui ont défait... Michigan. Les Wolverines de Michigan dans leur fameux duel annuel. C'est la sixième année de suite que Ohio State gagne. Donc, ça va pas bien. Ça va pas bien pour Michigan. Encore une fois, c'est comme leur grand rival. C'est la grosse rivalité dans le Big Ten. Donc, non, c'est ça. Là, t'es forcé pas un gros match pour Michigan. Puis, on se retrouve avec une fiche de 5 et 7. Quelle fin de saison décevante, hein? Est-ce que les Wolverines vont jouer avec une fiche de 500? Il leur reste deux matchs, donc... Mais ils vont-tu avoir accès au bowl? Je sais même pas. Ça va être limite, là? Ça va être bien limite. Donc, en tout cas, l'expérience Rich Rodriguez n'est pas un succès à date, là. L'entraîneur, là. L'entraîneur des Wolverines, là. Deux mauvaises années. Deux très mauvaises années. Il essaie de faire rebâtir le programme comme il a fait à West Virginia. Puis pour l'instant, ça marche pas trop, là. Puis le pire, c'est qu'il dispose d'un budget énorme. C'est pas ça le problème, je pense. C'est peut-être le recrutement des gars que ça se fait pas trop. Mais pourtant, Michigan, c'est quand même une école assez prestigieuse, autant côté football qu'académiquement. Je comprends pas pourquoi les gars veulent pas signer là. Ben, ça va être à suivre pour les années à venir. Mais... Peut-être les gars ont signé là, mais sont mal utilisés ou le trouble est ailleurs. Là. Peut-être en même temps. Sauf que là, c'est sûr, on sait même pas si on fait un bowl. Puis c'est dommage parce qu'il était dans le top 20 au début de l'année. Oui, ouais, en effet. Certains qui n'ont pas fait le top 15, mais il était comme 22 ou 23. Là, fait que c'était excellent. Ouais, le début de la saison avait bien été. C'est après que ça s'est gâté. Exactement. Donc, Ohio State, ils sont quand même 9e au pays. Il y avait une fiche de 9-2. Ils se ramassent à 10-2. Vont gagner le Big Ten. Donc, ça va être intéressant de suivre ça pour eux qui visent l'Orange Bowl, d'après moi. Tu disais, JP, tu disais qu'il restait deux matchs à Michigan? Non, il en reste un. OK. C'est parce que dans ma tête, il y avait comme 14 matchs, mais il y en a moins que ça, là. Il n'y en a pas juste 12? Ça dépend. Ça dépend de la cédule des équipes, là. OK. J'ai pas regardé la cédule, mais allez voir. La cédule est écrite qu'ils ont tous joué leur match au complet. Ouais, ils finissent l'année contre Royal. C'était leur dernier, là, c'est okay. Ça. Fait que... fin de saison en queue de poisson. Tu t'es fait... écoute, t'as fait une erreur, JP, je pense que ça t'est changé. Peut-être au Minnesota. Ouais, mais tu te sens... Parce que je suis mal utilisé par les autres, les boys. Non, mais tu te sens... tu te sens-tu apprécié avec oui, nous? Oui, Guillaume. Ouais, moyen, là, tu sais, je suis à distance, puis on m'amène pas en studio, donc... Mais... Je comprends le message, là. Non, mais écoute, c'est quoi, tu trouves... Je le mérite, le temps d'antenne. Tu trouves que t'as pas assez de temps d'antenne, c'est ça? C'est ça. t'as pas été placé avec des co-animateurs assez bons? Exactement. On ne fournit pas les ressources nécessaires pour produire. Pourtant, tu étais un gars d'au moins 15-16 minutes par semaine. Hein? Je te laisse continuer. Merci. Sinon, Mississippi ont vaincu Louisiana State. Grosse surprise. Ouais, LSU. Troisième défaite à LSU. Exactement. On s'attendait pas à ça pantoute. Le LSU qui est c'était 10e, là, ils tombent au moins 17-18e, donc grosse défaite pour eux. Sinon, ben il y a California qui bat Stanford, qui joue pas mal en montagne russe, là. une semaine ouais, deux grosses victoires. Équipe, l'autre semaine ils s'écroulent. Ça va quand même pas bien pour eux autres là. C'est quand même une excellente saison, ça va s'attendre à mieux. Donc cette semaine, ce qui sera à venir, pas une grosse semaine là, c'est la fameuse semaine que toutes les équipes de d'État jouent entre eux. OK. T'as Texas à Texas A&M, t'as North Carolina à North Carolina State, Clemson à Caroline du Sud. Fait que tu sais, dans le fond, l'équipe de l'État joue toujours contre une équipe d'un autre État. Là. Hey, c'est-tu Thanksgiving en fin de semaine aux États? Ouais, c'est jeudi. OK, je comprends, là, parce que là, je regardais les matchs, il y avait vraiment tout plein de matchs le vendredi, des matchs à ABC, là, je comprenais pas. Je veux dire, un match en après-midi à ABC, je me disais, voyons, je pouvais pas écouter mes soaps. Exactement. Puis en plus que t'as de la NFL le jeudi avec le fameux match des Lions de Détroit comme à toutes les années. Ouais. Ils vont encore perdre, hein? Ouais, sûrement. C'est rare. Ils ont une victoire cette année. Deux. Ils ont réussi à gagner un autre match. Contre les Browns. Oh! Gagner contre les Browns, bon. Fait que c'est ça. Ouais. C'est bon. Hey, on s'en va à une petite pause. Au retour, on va parler, on a une discussion intéressante sur l'avenir du sport à Montréal. Avec tous les nouveaux stades, tout ça, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, manquez pas ça, tout le monde. On revient dans 2 minutes, 3 minutes après la pause et une petite toune. Écoutez les palmarès, c'est fou, les mercredis et jeudis de 13h à 15h, en édition anglo le mercredi et franco le jeudi. Les 40 meilleures chansons francophones et anglophones diffusées en rafale, accompagnées des commentaires et de l'humour douteux de Mathieu Plante. Tout ça, on rappelle, les vendredis soirs des 17h, c'est fou! Découvrez le 6e album du projet Biobazar, Futuristic Psychedelic Archives. Disponible partout sur la planète net. iTunes, Amazon, Beatport, Napster, eMusic. Pour ne nommer que ceux-là. Futuristic Psychedelic Archives, pour un voyage psychédélique dans les archives du futur. Aussi disponible au dailyjanvier.com. Elle est de retour et elle n'est pas contente. Avec son championnat de jam débile, enregistré au Café Chaos, ma tante Frank, come on! Plus fort que ça! Les championnats de jam débile de Ma Tante Frac tous les samedis à 13h sur les ondes de C'est Fou 89.1. Je suis fan de coulette, fan de plume. Vous écoutez C'est Fou, la radio de l'université. Ta langue le chatouille. 89. Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Predator. I'm running out of time where conditions are positional. Shadows of a dial cast reluctance and depravity. There's gotta be a way to overcome this grim reality. Is there an option left for me? I'm not immune to despondency. There's no way. Everybody safe. We were all made in the shade. And your mother's in the kitchen, where she's patching all the cracks in the wall. We never had a care in the world. Bad Religion, The Defense, avec Pierre-Luc qui parle par-dessus la toune. Ouais! Hey. On aime ça. Alors, allons-y avec la discussion de cette semaine. Ouais. Avant de parler de la discussion de cette semaine, du coup, je voulais te parler de l'appellation des Alouettes de Montréal. OK. OK, les Alouettes de Montréal, cette fin de semaine, qui jouaient dans la finale de l'Est contre la Colombie-Britannique. Là, tu veux savoir pourquoi? Ben, je veux pas savoir pourquoi. Je veux juste te dire que, tout simplement, ça serait peut-être bon de trouver un nom de coupe, quelque chose à faire. Vas-y, vas-y. Sais-tu pourquoi les Alouettes affrontaient BC? Ouais. Non. Vas-y. J'y vais. Dans la CFL, OK? Ou, JP, tu veux-tu l'expliquer ou je vais? Ben, tu peux y aller, t'as l'air bien parti. OK, je vais. Okay. Dans la CFL, ce qui arrive, c'est que vu qu'il y a une conférence qui a plus d'équipes que l'autre, une en a 5, l'autre a 4, tes deux premières positions dans chaque conférence sont assurées de faire les séries. OK? La troisième position, si la troisième position a moins de points, comme dans ce cas-ci, c'est les Blue Bombers, a moins de points que la quatrième position dans l'autre conférence, on a une transaction de conférence. Donc, il y a une équipe de l'Ouest qui vient jouer dans l'Est. Qui est la quatrième, dans le fond, qui va jouer dans qui l'Est. Qui est la quatrième. Okay. Et vice-versa. Ça explique pourquoi BC est venu jouer là. Mais il n'y a jamais eu une équipe qui a transigé, qui a changé de conférence, qui a réussi à se rendre à la Coupe Grey. Je m'en vais. Donc, mais je trouve ça intéressant comme concept. Surtout une petite ligue comme ça, qui n'a pas beaucoup d'équipes. Quand tu es meilleur que l'autre bord, c'est plate de ne pas faire les séries. Mm. Donc, allons-y. Ouais. Merci. Fait plaisir. Je suis là pour ça. Ouais. Allons-y, là. La discussion, OK. JP? Oui? Les Alouettes vont avoir un nouveau stade un petit peu l'an prochain, un stade rénové? Oui, c'est ça. La phase 2 de rénovation du stade Percival à Molson à McGill, à Montréal. Donc, on manque encore quoi? 25 millions, je pense? 20 millions? Oui, 20-25 millions à peu près. À peu près, là, c'est ça. Je pense que les trois paliers du gouvernement donnent, puis le propriétaire donne 4 millions aussi. OK, c'est ça. On rénove les estrades. Je sais pas si vous êtes déjà allé au stade, mais du côté de la zone des buts, où qu'il y a pas la bâtisse, comme il y a comme des arbres, de la forêt, il y a quelques loges, là, genre Subway, mais c'est pas vraiment des estrades là, fixes. Donc, on va tout rénover ça, rajouter des loges, on va déplacer l'écran, puis même les gradins du côté de la montagne, ben c'est ça, là, on va tout rénover ça. Non, ben, à vrai dire, du côté de la montagne, mais du côté de l'autre bord, on ajoute 5000 places, là. un peu des deux, si on veut. Ouais. Donc, ce qui va faire que ça va rajouter 25, ça va rajouter 5000 places. Donc, le stade va environ donner 25 000 sièges. Ce qui fait en sorte que les revenus de l'équipe vont donc augmenter, puis l'équipe sera plus dans le rouge. Parce qu'on s'entend que les Alouettes basent toute leur économie sur le match du stade olympique. Exactement. Pas se faire, exactement, votre gars, en fin de semaine, il y avait 53 000 personnes. C'est deux fois et demi le nombre de monde qu'il y a normalement dans le match, pour un match normal là, au Percival Molson. Donc, ça fait une différence majeure. Là. Il y avait gros du touriste en fin de semaine, par contre. Gros des gars qui connaissent pas, des gars, des filles qui connaissent pas le football. Moi, la meilleure que j'ai vue, puis t'étais là, toi aussi, JP, là, quand les Alouettes sont à l'attaque. Puis il y a des gens qui applaudissent, là, qui encouragent. tu voyais les joueurs dans le fond. Oui, ben oui. Coburn qui faisait comme des signes avec ses bras. Ouais, ben il avait l'air de voler comme dans le film Les Anges Frappéco, là. Puis tu sais, pour dire au monde, fermez vos gueules. Puis là, le monde applaudissait plus fort. Ah ouais, il trouve qu'on est dedans. Ben ouais. On ne comprenait pas. Le monde ne comprenait pas. Écoute, c'est compliqué comme principe. T'es à l'attaque. C'est ça même l'annonceur. Oui, mais oui. Jacques Moreau a dû l'annoncer. Vraiment. On tient à vous rappeler que les Alouettes ne doivent. Lorsque les Alouettes sont à l'attaque, il est important de faire le moins de bruit possible. Dans moi, je shakais un peu. Là. J'avais comme. J'avais honte. Mais bon, écoute, c'est ce match-là qui fait de l'argent, qui met de l'argent dans les poches des Alouettes. Fait que ça prend des touristes, tu veux que ton équipe... Il y en a partout au Canada, il y en a partout. Ah, des touristes, il y en a partout à Montréal. Hein. Mm-hmm. Des connaisseurs de sport à Montréal, c'est pas... On est loin de Regina, hein? Exactement. Tu voyais la foule, là, à télé. Le match, dans le fond, il était après. Tout le monde était en vert. Puis eux, c'est à toutes les semaines, c'est comme ça. Là, c'est un gros party. C'est vrai qu'il y a juste ça à faire là-bas, là. Ouais. Là, t'as un point. Ça comme excuse, là. Mais quand même, tu vois que, d'après moi, c'est les meilleurs partisans de la ligue. Là. Ouais, Regina, c'est vraiment quelque chose, là. Au niveau de l'ambiance, mais au niveau, tu sais, de la radio pis tout, là. Regarde à Montréal, ce qui est le Canadien à Montréal et les Rough Riders à Regina. Carrément. Exactement. Tu pourrais comparer, là, c'est exactement à peu près le même. C'est si fort, chose. Tu veux dire au niveau appui? Ouais. Je serais même prêt à te dire que c'est plus. Mais tu sais, pas au niveau nombre de monde, mais au niveau appui, là, ouais, c'est très, très, très, très, très similaire. In Green Country, là, c'est ça qu'ils disent, Green Country, sais-tu? Ouais, je suis pas sûr. Bon, ça sonne ça bien. Ça doit être quelque chose comme ça. Ça sonne bien. Un jeu de mots avec le vert. Ouais. Puis le fait. Mais écoute, depuis qu'ils sont juste rendus les seuls Rough Riders de la LCF, ça va mieux leur affaire aussi. Ça va mieux. Puis là-bas, tu vois, il y a tout le temps plein de petites traditions là-bas. Il faut dire que l'équipe est quand même vieille, là. Ouais. Mais tout le monde a des melons sur la tête. Je trouve ça quand même cool, là. Le monde met des melons sur la tête. Fait que, à Green Bay, t'as les fromages. À Saskatchewan, t'as les melons. C'est vrai, les fromages. C'est original, hein? Ouais. Tu t'en as un fromage, bon, hein, JP? J'en ai un, je suis allé. Fait que, non, c'est une fierté d'avoir ça pour moi, donc... Donc, parlons de ça. L'Impact, eux, s'en vont à MLS probablement dans deux ans. Deux à trois ans. Cette année, ils joignent la North American Soccer League. C'est NL... C'est-tu fait, ça? Oui, c'est écrit. En 2010. Ouais, mais c'était pas encore en discussion pis tout, non? En tout cas, ce que je vois présentement... Où tu vois ça, toi? Hein? Où tu vois ça? Wikipédia. As-tu Wikipédia? Mm-hmm. Ça, c'est donc, moi, j'ai un peu de la misère avec ça, la MLS. Pas que je veux pas qu'ils joignent parce que, d'après moi, c'est le meilleur calibre au Nord-Américain de soccer. Sauf qu'en même temps, c'est quoi les masses salariales ou juste le MLS? Parce que je pense pas qu'avec notre stade, on va pouvoir rivaliser avec des clubs comme Los Angeles. C'est justement ou même ça. Washington. C'est justement ça qui arrive, là. C'est qu'il va falloir que le stade soit agrandi. Pour que l'Impact entre en MLS, il va falloir que le stade monte à 20 000 places. Comme à Toronto. Exactement. Ouais, mais même à ça, tu sais, dans CFL, ils ont de la misère à rentabiliser leur équipe. Puis la masse salariale, c'est juste 2,4 millions. Puis c'est plein à tous les matchs là, avec 20 000. Fait que pour ça, j'ai de la misère à croire comment on peut rentabiliser ça. C'est plutôt, j'ai l'impression qu'ils se tirent quand même dans le pied, même si avec les résultats de l'équipe, la popularité de l'équipe, ils n'ont pas le choix d'aller là, tu comprends? Oh, bon, on sait comment ça marche à Montréal. Hein? C'est une ville d'événements puis une ville de suiveurs un peu. Ton équipe a du succès, ça l'embarque. Ton équipe a plus de succès, ça l'embarque plus. Regarde l'Impact, là, une couple d'années, c'était faillite. Puis même ça, on a gagné cette année, puis au défilé, il y avait comme 30 personnes. Non, mais c'est vrai. Ouais, gros défilé. T'as un point, c'est vrai. Mais gars, les Alouettes, ça a fait ça aussi, là. Rappelle-toi, la dernière Coupe Grey, il y avait 150 000 personnes dans la foule, dans les rues pour applaudir les Alouettes. Puis, regarde, il y a deux ans, il y avait de la misère à mettre du monde dans le stade olympique. Il y avait eu un match de 30 000 personnes au stade olympique. C'est vrai. Il faut dire que dans le temps, il faisait deux matchs au stade olympique, mais quand même, c'est pas des... À Montréal, c'est pas des partisans assidus, non, sauf pour le Canadien. Des tripeux de gagnants. Des tripeux de gagnants puis des tripeux d'événements. Mmh. Hein, c'est pour ça que j'aime pas mal plus une ville comme Québec, là. Ça, c'est n'importe quelle équipe, ils sont derrière. Pierre qui est flatté. Ils ont les partisans. Les remparts, ils ont leurs partisans. Pour attirer à peu près 13 000 personnes une game de junior, il faut le faire, là. Oui, ouais, définitivement. Mais je pense que le niveau d'appartenance... Mais tu sais, t'as une langue à Québec, hein? Ça l'aide aussi. Que t'aies juste vrai, une langue. Donc, la métropole, c'est quoi, 4 millions de personnes? Le métropolitain à Montréal, tu veux dire, avec Longueuil, Laval, tout ça? Exactement. 3.1. OK. Ben, à moi, ça a changé. Tu pourrais le Wikipédier, non, Seb. Non, ça va aller. Je t'ai fait confiance. Je garde dans le sport, moi, ça. Ben, en tout cas, il me semble que c'était ça, là, à Madden, 2007, là, quand tu voulais déménager une équipe, là, tu voulais l'envoyer à Montréal, il disait métropolitain 3.1. Et... C'est ma source, Madden. Mais gars, je suis en train de le Wikipédier, là. Métro. Bon, en tout cas, je l'ai pas. Densité, métro 3.6. Ah, fait que... Mais c'était en 2006, fait que Madden était peut-être... Ouais, Madden, c'est ça, il était retardé. C'était de la mortalité, là. La grippe n'était pas encore arrivée, mais il y avait la grippe aviaire. C'est vrai. Ouais, non. Ou c'est juste parce que c'était les statistiques du dernier recensement. Ah. Hein? Ouais. OK. Je pense qu'on a de quoi. En tout cas. Fait que avec ça, là, avec ces deux stades-là, tout ça, moi, la question que je me posais, là, il nous reste à peu près 2 minutes d'émission, là, mais... On fait quoi avec le stade olympique? Parce que là, les Alouettes vont jouer tous leurs matchs à Percival Molson. À part peut-être un gros match comme la Coupe Grey, mais à part là de ça. OK, l'Impact vont avoir leur propre stade, ça aussi, qui est assez gros pour les supporter. À moins d'un événement comme on n'en reverra pas avant 10 ans minimum, le stade olympique, ça ne sert pas à grand-chose à part pour le motocross puis les Monster Truck. Là. Ouais, c'est même un spectacle. De show de char, là, on pourrait dire. Là, ils ont changé ça de place. Il n'y a plus pas en tout ça. Ah non? Sauf, c'est quoi, il est utilisé à 1% dans l'année, même pas? Je ne sais pas. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des bureaux et tout ça, mais... Ça doit coûter cher à entretenir. Ben oui, c'est une fortune. Tu disais que dans le temps, le forum, ça leur coûtait comme 35 000 par jour. Ouais, 25 000 par jour. Juste... Allumer les lumières. Exactement. Wow. Ben, tu sais, parce que t'as ta sécurité, t'as ci, t'as ça. Faudrait ramener l'athlétisme, les boys. On n'aurait pas le choix. Ben, faut trouver. C'est parce que si tout le monde s'établit, mais on peut pas. Montréal ne peut pas avoir un stade de. T'es une ville, comme on disait, de 3. D'envergure internationale. Ben ouais, t'es une ville de 3.6 en métropolitain, là, alentour, là. Tu peux pas avoir un stade juste digne de ce nom, là. Assume que t'es une ville, là. Un stade qui est vide, qui sert à rien. Sérieux, Nick, là, t'es allé en fin de semaine comme moi. Si tu plates le parc olympique, c'est en ciment, c'est en béton, il n'y a aucune végétation, le parking il est mal fait. Ça ne donne pas le goût d'y aller encore. Les gardes de sécurité ont leur manteau du temps des expos. Ah ouais, des beaux manteaux jaunes, mauves, puis. Turquoise. Turquoise, c'était les couleurs. Ça m'a fait la même affaire que moi. Ouais, écoute, c'était pas manquable ça. Mais en tout cas, moi, regarde, l'été, encore moins l'été, ça donne moins le goût d'aller là. Je ne sais pas qui, en 1970, là, ça va être beau, ça va être le fun. En tout cas. Moi, je vois pas ça. Je vois pas le stade olympique comme vous le voyez, parce que moi, je vois ça comme... moi, j'aime ça aller au stade olympique. Je trippe aller là, puis c'est un très beau stade. C'est grand, puis regarde, on n'en a pas à Québec, puis c'est sûr que on n'en a pas besoin non plus. C'est grand, mais c'est mal fait. C'est ça le problème. Peut-être. J'ai pas vu de cette façon-là. Je suis quand même d'accord avec Pierre-Luc, parce que quand je suis rentré, l'odeur des hot dogs... Ah oui, ça rappelle des souvenirs, mais tu sais. Ça rappelle des souvenirs. Mais en tout cas, si investirait un peu d'argent pour le reconstruire, le modifier, pour qu'il soit fait justement parfait pour le football et le soccer, je pense qu'on aurait déjà de quoi d'un petit peu plus partant. Après avoir investi 1,5 milliard, je pense pas vraiment que ça allait être... C'est ça le problème, il n'y a plus personne qui veut investir. Ben non. Hey, c'est ce qui conclut l'émission pour aujourd'hui. Calendrier. On va faire le... Ben oui, calendrier, laisse-moi te dire. Mais ce qui conclut la petite discussion là, avec... Merci beaucoup, JP. All right, les boys. C'est bon. À la semaine prochaine. Calendrier chez les Patriotes. En fin de semaine, on joue deux parties. Ça va être dans la région de Toronto et de Kingston. Vendredi soir, 19h, ça va être à Toronto contre Toronto. Et le lendemain, à Kingston contre le Royal Military College. Côté du hockey junior, les Cataractes reçoivent les Maniacs mercredi soir et les Wildcats samedi, c'est à 16h le match, notez-le bien, 16h et non 19h. Ils seront à Gatineau dimanche. Du côté des Tigres, ils reçoivent l'Île-du-Prince-Édouard mercredi, ils sont à Val-d'Or vendredi et ils retournent au Colisée des Jardins dimanche pour recevoir les Wildcats de Moncton. Et les Voltigeurs, de leur côté, sont du côté des Maritimes pendant toute la semaine. Donc, jeudi à Moncton, vendredi à Saint-Jean et dimanche au Cap-Breton. Et finalement, ne manquez pas la Coupe Vanier cette fin de semaine en direct de Québec. Ne manquez pas aussi à Québec le combat Bouté-Andrade sur TV payant. C'est une grosse fin de semaine. Et la Coupe Grace dans deux semaines. Donc, ne manquez pas ça. C'est qui a eu les conduites de partie pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. On sait sa musique avec We Are Wolves, avec la chanson La Rue Oblique. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine.